Furthermore, the breakdown de plus, in understanding la what France compréhension stands for véritable de ce que la France représente et la perte de confiance dans ce qu'elle représente est alimentée par une collaboration qui est poursuivie avec des agences, des leaders ou des individus qui sont loin d'être des modèles d'intégrité, alors que d'autre part, on continue à affirmer, à prétendre que l'on défend les droits humains. Alors d'une part, nous avons la France qui continue à parler de racisme, de domination, d'exploitation. Mais d'autre part, ils continuent à donner des leçons de démocratie. Afrique Média, le monde, c'est nous.